va, la pensée suit comme un oiseau cherchant son nid dans les plis d'une chair femelle. Le sang qui bat et nous appelle, c'est le désir d'El Boho, c'est le désir d'El Boho, c'est le désir d'El. Voilà l'étincelle qui donne des ailes comme l'écume sur la vague, le goût salé des lèvres chaudes, le désir tendu comme un arc et là comme un enfant qui rôde. Désir d'elle, désir d'elle, désir d'elle, oh oh oh. Désir d'elle, désir d'elle, désir d'elle, oh oh oh. La lune à la rondeur d'un sein, venue se glisser sous la main, le long d'une ligne de vie, le sang s'affole. C'est le désir d'elle, oh oh, c'est le désir d'elle, c'est le désir d'elle. Voilà l'étincelle qui donne des ailes, un frisson sur la fleur de peau, en fait tomber tous les pétards, les yeux fermés, le souffle chaud, c'est si bon d'être un animal. Désir d'elle, désir d'elle, désir d'elle, oh oh oh. Désir d'elle, désir d'elle, désir d'elle, oh oh. Comme un rubis, un fruit cueilli après la pluie. Voilà que le sexe des anges est un mystère qui se mange. C'est le désir d'El Boho, c'est le désir d'El Boho, c'est le désir d'El. Voilà l'étincelle qui donne des ailes, la danse où s'enroulent les corps abandonnés par la raison. Un prime au plaisir, son essor du premier au dernier frisson. Désir d'elle, désir d'elle, désir d'elle. Désir d'elle, désir d'elle, désir d'elle. Alors montant des profondeurs, irradiant tout de sa chaleur, un cri s'écoule d'une gorge, un souffle le plaisir se forge. C'est le désir d'elle, oh oh, c'est le désir d'elle, un désir d'elle. Voilà l'étincelle qui donne des ailes, voilà le carnaval des sens, le tambour battant la chamade, et sous le masque de sa transe, le sang qui roule et qui s'attarde. Désir d'elle, désir d'elle, désir d'elle, oh oh oh. Désir d'elle, désir d'elle, désir d'elle. Désir d'elle, désir d'elle, désir d'elle.